Souviens-tu des soirées de pénu, prêt à faire 50 bornes en scooter sur la VRU? Il n'y avait plus, non plus, plus rien à mes fûts, ni Tushy ni BR. Les dealers sont en vacances en BM au bord de la mer. Dépense enfin à Toulouse et Yamassé toute l'année. Vend des barrettes à la sortie des lycées. On avait des clopes, des feuilles, mais rien d'aromatisé. Tu finis aux 24h, acheter une taille à teaser. Avec ça en tête, tu se fous tes gros lujons. Alors tu finis par faire un tour, voir les mecs du pont, acheter des barrettes coupées au laser par des dealers Jedi, du shit trop cher sa mère. Reste plus qu'à faire le tour de ton répertoire. Allô gros, y a pas moyen qu'on se voit ce soir. Ben non, j'suis sur la côte, j'dépense ton fric connard. On est des millions de consommateurs, même ton roi Damien est pas en distributeur. T'as pas été pris à bander, mais qu'on juge gravement. Pour l'indio faut qu'on repense à l'offre et à la demande. Regarde-moi dans le rouge des yeux, dis-moi tu peux faire quelque chose. J'ai plus de shit, plus de peu, puis il faut trop une dose. Puis il faut trop une dose. Salut, ouais, c'est Civiti Floco. J'plie à vider ton tonneaux de crew. Écoutez les gazelles, des toxicopilos, mes pélos chopent de la fumée des picous. Car mon son, tu pas la bouse, cours pour un coup dans le Péloponnèse. Si je te demande un truc, c'est pour baiser après. Prends donc un petit fixe qui te laissera par terre. Et fais-moi de l'instru, je la prendrai que par derrière. Bigrave ou bouillard, il faut choisir son trip car Bédav et Poucaf sont souvent plus de mise. Écoute, j'ai une idée à panner. Occupe-toi de ce que t'aimes, sois toi-même. Tu préserveras ta mère, amen. C'est la fin du monde, y'a plus rien à Bédav. Je vais perdre les pédales, je suis prêt à tuer pour un pétard. Il est très très tard, je fais un tour de répertoire. Allô négro c'est Wam, tu fais quoi soir, on peut se voir. Là le mec se braque et prend l'air agacé. Il me dit qu'il est 4h du mat et qu'il faut que j'arrête de le taxer. Allez merci merci, je vais me démerder, j'ai compris. C'est la Zermi, le mec qui te fournit et t'en ont pris. Bonne soirée espèce d'enfoiré. Je me retrouve à galérer pour des vieux plans foirés. Allô allô, aidez-moi, je commence à fumer mes doigts. J'ai tout retourné chez moi, ça fait 10 fois que je nettoie. Je deviens fou, j'ai fouillé partout même dans mes emails. Pourquoi ils vendent pas du Tushy sur eBay? Mon portable n'a plus de batterie, j'tape la crise, c'était prédit. Le seul que truc j'ai méfu, c'est mon crédit. Encore une belle journée sous le soleil d'LMC. J'vais me craquer ce gros tarpé avant de me le faire cramer. Sonnerie mais qui m'appelle, j'aurais dû m'en douter. Fallait couper ton tel, t'as pas un truc à bander. Putain mais là je peux plus, je viens de dépanner ton frère. Si tu continues, faudra que je monte une affaire. La prochaine fois que t'appelles, je t'enverrai une équipe. Je roulerai en Porsche Cayenne à force de dépanner du shit. On est des millions de consommateurs, mais pour moi, t'as rien et pas en distributeur. T'as pas été plus à bander, négro, j'suis grave au manque. Roule à Dieu, faut qu'on repense à l'offre et à la demande. Regarde-moi dans le rouge des yeux, dis-moi, tu peux faire quelque chose. J'ai plus de shit, plus de peu, puis il me faut trop une dose. Qu'à pander, un peu d'inspi, mec. Pas de l'amorosité, un beau ciel bleu, ouais. Bien dégagé, ou encore du bon moquin pour aller travailler. Peut-être juste une once de vérité. Donne-moi un peu ton enfant, ouais. Surmotivé, avec des pas de moi, d'un bon verre ou d'un gros tapis. Pour qu'un instant au moins, je puisse m'évader. À des pingres, qu'on se mette bien et qu'on trouve l'inspi. Qu'on exploite le microphone, la pénurie, ma veste, ma veste à les poches, vide de feuilles et de substances. C'est pas tirer innocent dans le shit avec assistance. Assister à tout ça sans être sous influence. C'est pas la même saveur qu'avec un cône en assistance. Alors dépanne-moi s'il te plaît, juste le temps d'accoupler. Histoire d'être bien en phase et que mes phrases soient décuplées. On est des millions de consommateurs, mais pour moi, t'as bien et pas en distributeur. T'as pas que plus à bander, négro, j'suis grave en manque. Roule un duo, faut qu'on repense à l'offre et à la demande. Regarde-moi dans le rouge des yeux, dis-moi, tu peux faire quelque chose. J'ai plus de shit, plus de peu, puis il faut trop une dose. Puis il faut trop une dose. On est des millions de consommateurs, mais pour moi, t'as bien et pas en distributeur. T'as pas que plus à bander, négro, j'suis grave en manque. Roule un duo, faut qu'on repense à l'offre et à la demande. Regarde-moi dans le rouge des yeux, dis-moi, tu peux faire quelque chose. J'ai plus de shit, plus de peu, puis il faut trop une dose. Quand t'as rien à fumer, pas la peine de te lamenter. Grosse envie de THC, prêt à te couper un bras pour indiger. Si dans le manque t'es empêtré, si la résine t'a appâté, y'a toujours un pote à taper. Prie pour qu'il ait un truc à palmer.